Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Oh, je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce Vous discours? ne m'en donnez pas le temps et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ses douces Je ne impressions? dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour À moi? Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme et que Oui. l'on ne peut pas en user plus généreusement et qu'il D'accord. fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne, assurément. qu'il a l'air le meilleur du Sans monde, que doute. ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de Cela noble, est sûr. qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me Il dit, est et vrai. qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire? Vous avez raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas Mais vrai? en tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. À Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient.